Randall poussa un profond soupir et tendit la main vers la radio. Il l'alluma et reconnut immédiatement la chanson qui passait. Il monta le son. C'était « The Greatest Love of All » de Sexual Chocolate. « Tu veux bien changer le nombre d'habitants avant d'y aller » demanda-t-il. « Je le ferai en revenant, je vais exploser. »« Ok, mais dépêche-toi avant qu'on ait un autre mort. » Pete ouvrit sa portière, mais avant de descendre, il se tourna vers Randall. « À mon retour, vous pensez qu'on pourrait écouter autre chose que EMM pour une fois ?»« C'est quoi le problème avec EMM ?»« 80s movie music ? Je vais pas supporter cette merde ringarde beaucoup plus longtemps. »« Mais c'est la station locale, faut bien soutenir les locaux. »« Vous avez pas envie d'écouter quelque chose de différent pour changer ?»« Comme quoi ?»« Et pourquoi pas un peu de rap ?»« C'est quoi ça le rap ?» Randall savait parfaitement ce qu'était le rap, mais il aimait bien faire semblant de ne pas connaître ce genre de choses. Juste pour voir à quel point ça énerverait Pete. Bon sang, Randall. À mon retour, je vous ferai découvrir du bon rap de gangster. Oh, Randall monta encore un peu le son de la radio et regarda son jeune acolyte traverser l'étendue d'herbe qui conduisait à une forêt sombre à quelques mètres de là. Bientôt, Pete disparut derrière de grands arbres. Il était évident qu'il n'allait pas simplement pisser. Il avait probablement besoin de se gratter ou d'inspecter la cochonnerie qu'il semblait avoir attrapée au minou joyeux. Randall frissonna en y pensant. Il essayait de se rappeler s'il avait eu un quelconque contact physique avec Pete au cours de la nuit. Lorsqu'il fut rassuré, il se fit un plaisir en chantant par-dessus « The Greatest Love of All » et une autre chanson moins mémorable de Wilt Stallings. Quand cette dernière se termina et laissa place aux publicités, 5 bonnes minutes s'étaient écoulées et toujours aucun signe de Pete. Randall décida alors de le surprendre en trouvant une autre station qui passait du rap. Il en parcourut plusieurs avant d'y parvenir, mais il ne put en supporter que 10 secondes avant de changer à nouveau de station. C'est à ce moment-là qu'il tombera sur Jeffrey Osborne chantant « On the Wings of Love ». Thank you. Il n'avait pas entendu cette chanson depuis plusieurs années, mais il se souvint instantanément du plaisir qu'il ressentait lorsqu'il la chantait à plein poumon dans sa jeunesse. Convaincu que personne d'autre que Pete ne pourrait l'entendre, il baissa les deux vitres de la voiture, monta le son au maximum et se mit à chanter à tue-tête en duo avec Jeffrey Osborne pendant le refrain. Même s'il chantait en y mettant tout son cœur, Randall ne pouvait s'empêcher de garder un œil fixé sur les bois plongés dans l'obscurité. Il s'attendait à voir Pete en sortir à tout moment, curieux de connaître la raison de ce raffut. Mais le jeune policier ne revenait pas. La forêt était calme comme la mort. Lorsque la chanson arriva à son couplet final, il décida de faire des appels de phare dans l'espoir d'attirer l'attention de Pete. Après seulement quelques secondes, il vit enfin quelque chose bouger. Une silhouette massive, aux épaules larges, sortit des bois et se dirigea vers la lumière aveuglante qui émanait des phares de la voiture. Mais ce n'était pas Pete. C'était un homme beaucoup plus imposant. Pendant qu'il marchait au centre du faisceau lumineux, Randall put l'observer attentivement. Il cessa immédiatement de chanter « On the Wings of Love ». Son visage se figea au beau milieu du couplet quand il vit ce qu'il avait devant les yeux. L'homme qui sortait des bois s'arrêta au centre de la lumière, comme pour offrir une meilleure vue sur sa personne à Randall. Il portait un jean noir et une veste en cuir vernis rouge par-dessus un débardeur noir. Son visage était terriblement pâle, c'est en tout cas ce qu'il sembla à Randall avant que son cerveau n'analyse ce qu'il voyait. C'est à ce moment-là qu'il comprit qu'il ne regardait pas un visage fait de peau et d'os. Il regardait un masque en caoutchouc. Un masque jaune et sale, censé imiter un crâne humain. Il affichait un sourire maléfique et plusieurs de ses dents étaient noircies. Au-dessus du masque se dressait une bande de cheveux rouges qui commençait sur le haut du front, comme la crête d'un Mohican ou d'un Iroquois. Et à travers deux trous dans le masque, une paire de grands yeux noirs fixait Randall. Deux autres éléments attirèrent l'attention de Randall avant qu'il ne démarre le moteur et ne fasse demi-tour à toute vitesse. L'homme au masque jaune tenait une longue lame argentée et tranchante dans sa main gauche, une lame couverte de sang qui gouttait sur le sol. Dans son autre main, il tenait une tête humaine par une poignée d'épais cheveux bruns. Les yeux de Randall s'écarquillèrent tandis que l'image se gravait à jamais dans son esprit. C'était la tête de Pete. Dead. Ooh. C'est dimanche soir, vous êtes toujours sur Radioactive, émission rock, musique, expérimentales diverses et variées, parfois bruitistes. À l'instant, c'était Hard Beers dans Lost in Space sur Radioactive. On continue avec Dagda More en version industrielle, entrecoupée d'extraits de Coluche qui nous parle de la publicité. Et après, pendant trois semaines, ils font un Ajax WC qui nettoie tout du sol au plafond. C'est pour le fait qu'il y en aura qui atteindraient le plafond, vous voyez. Parce que des fois, on n'a pas le temps de s'asseoir avec les dragées. Dès qu'ils rentrent dans le chiot, là, entièrement mouché. Thank you. Pourquoi ils mettent des verrous dans les chiottes, de façon le mec qui est dedans n'a pas sortir, hein. En général, il est venu exprès, tout seul, de son plein gré, bon. Thank you. c'est pour éviter qu'il y en ait un autre qui rentre qui a pris le rager fucard. Là ! Qui vient pour la deuxième couche. Alors t'as déjà le merde, il y a déjà quelqu'un, merde. Thank you. Vous êtes toujours sur le 100 FM en ce dimanche soir sur Radioactive, l'émission Lost in Space. On vient d'entendre à l'instant Public Image Limited, vous savez, le magnifique groupe de John Lydon, celui qui, à lui tout seul, ou presque, a réinventé la musique à la fin des années 70-80, avec tout d'abord les Sex Pistols, puis Public Image Limited, juste à l'instant, avec Carrie Ring. On n'a pas eu de live encore ce soir, peut-être que les plus fidèles d'entre vous, chères auditrices et chers auditeurs, s'en étonneront peut-être, mais ça n'était que reculer pour mieux sauter. Car le live de ce soir, c'est encore une fois un de mes groupes favoris, Throbbing Gristle, groupe de musique industrielle anglais, que l'on va entendre ici au 36 Club à Berlin, en Allemagne. La date, peut-être que vous vous le demandez, eh bien c'est tout simplement le 7 novembre 1980. C'est parti. Après le live, ça sera la fin de Lost in Space, enfin la fin, jusqu'à la semaine prochaine, mais évidemment dimanche prochain. Je vous laisserai donc avec le programme de la nuit, qui normalement devrait être raccord avec ce que l'on écoute dans cette fin d'émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain après Throbbing Gristle. Donc bonne semaine, plein de bonnes choses, à bientôt. Ciao. We'll be right back.

Thank you. Thank you.